Grande ablution. Grande ablution. Al-Ghusl. Le ghusl désigne les grandes ablutions, c'est-à-dire le lavage du corps en entier. Afin d'être en état de pureté avant la prière, un musulman doit accomplir al-Wudu, communément appelé petites ablutions. Cependant, dans certains cas, les grandes ablutions, ou ghusl, doivent être accomplies obligatoirement. Cela concerne les cas suivants. Premièrement, après une relation intime ou une éjaculation en état d'éveil ou de sommeil suite à un rêve. Deuxièmement, après un cycle menstruel complet ou après les lochis pour les femmes. Troisièmement, après une conversion à l'islam. Quatrièmement, après le décès d'un musulman et avant son enterrement. Le ghusl est aussi recommandé dans les cas suivants, mais sans être obligatoire. Premièrement, le jour de la prière du vendredi. Deuxièmement, avant de se mettre en état de sacralisation, soit pour le hajj, pèlerinage, soit pour la umra. Troisièmement, en entrant à la Mecque et le jour de la station à Arafat. Quatrièmement, après avoir lavé un mort. Pour le ghusl, on procède comme suit. Premièrement, dire « Bismillah » au nom d'Allah, avec l'intention d'ôter l'impureté majeure par le biais du ghusl. Deuxièmement, se laver les mains jusqu'aux poignets trois fois. Troisièmement, se laver les parties intimes et les alentours énergiquement. Quatrièmement, accomplir les petites ablutions, wudu. Ici, la personne a le choix de se laver les pieds au cours de son wudu ou de les laver à la fin du ghusl. Cinquièmement, passer les doigts humides sur les cheveux. Sixièmement, verser de l'eau sur la tête et la laver avec les oreilles trois fois. Les femmes ne sont pas obligées de dénouer leurs nattes. Il leur est seulement ordonné de verser une poignée d'eau sur leurs cheveux en les frottant sans les dénouer. Septièmement, verser de l'eau sur le côté droit en commençant par le haut, puis le bas, et ensuite procéder de même avec le côté gauche en s'assurant que l'eau atteigne toutes les parties du corps, même celles cachées, comme les aisselles, le nombril ou l'intérieur des oreilles.